Hey yo, YTB, my man Dry. Noriega and no IC. YTB in the building, it's going down. Hang Hank Sangria, NRE. De Lior à la Eastside, d'une vie similaire. Des R et Noriega, tels nos guerres pour les mettre à terre. Solitaire quand l'amitié devient meurtrière. Dans nos poudrières, on déboule la bac aux heures de prière. Yeah, mon hood est black, white ou basané. Ma ruelle ultimate fight où l'amour a fané. Vois mes frères canner sur tous nos champs d'horreur. Si l'argent n'a pas d'odeur, nous on en connaît la couleur. Nos vies un film qu'on peut résumer. Fuck de police n'est que le chant des jeunes bandits présumés. Ça c'est à l'époque comme les dents dans l'arène ou le diable ses dents. Ici bah pas de malaise pour bananer les nœuds du ciment. Ça alimente en narcotique pour combler nos vides. Car prolifique est l'âge blanc pour banlieues arabes. Le shit fait pousser les rites comme un amour passionnel. On fait du mal mes cousins, dis-toi qu'y'a rien de personnel. Yeah, no matter what we gon' make it. You can front now but we still gon' make it. Sooner or later we'll make it. You can give us to us or we just gon' take it. Yeah, no matter what we gon' make it. You can front now but we still gon' make it. Sooner or later we'll make it. You can give it to us or we just gon' take it. Champagne, Pergerette, margarita, French car, two-seater. Follow me, shorty try to cut corners. Her wave had to swallow me. Fresh Febreze, I sit and watch the sunrise. Cigarillos, big kush, shit, one size. Don't get embarrassed and claiming you living lavish. I'm from Queens, ain't eating on crepes out in Paris. All hoods combined, can't compare it to another. Cause they can't hang, kid, that's word to the mother. I change the weather when I travel, switch the monsoons. I try and sell cocaine on iTunes. Relax mode, call it tranquilo. Yeah, no matter what we gon' make it. You can front now, but we still gon' make it. Yeah, sooner or later we'll make it. You can give us to us or we just gon' take it. What happened? Yeah, no matter what we gon' make it. You can front now, but we still gon' make it. Sooner or later we'll make it. You can give it to us or we just gon' take it. Hey yo, on crame nos life comme les cigares de la Havane. Ça gratte ses comptes de la CAF en rêve. Vendu fixe à Bécard. Spliff au bec, le monde est nôtre comme le rap est nas. Mettez des notes que si tes couronnes sont bien en place. On mâche pas nos mots, n'aime pas l'homo. Nous ne marche qu'au cash, à l'euro addict et ma zone à l'oseille. Les sados sont plus présents que rares. Fois comme l'adrénaline nous ronge quand nos gauches droites démarrent. Ici les jeunes jouent plus au ballon rond et nus. Pas de balle à blanc. Au ballon tournant rond et russe, tous les bras ballants. Un draft by avant le flashback et bye bye. Ici ce qui te sauvera c'est ton arme et pas ton muay thai. C'est burn out, même si les keufs nous barrent là. C'est pas à Beyrouth, mais toutes ces embrouilles de test des routes. C'est le bal des crèves la faim dans nos périmètres. Ici comme ailleurs, un pote sera toujours la moitié d'un trait. Yeah, no matter what we gon' make it. You can front now, but we still gon' make it. Yeah, sooner or later we'll make it. You can give us to us, or we just gon' take it. What happened? Yeah, no matter what we gon' make it. You can front now, but we still gon' make it. Sooner or later we'll make it. You can give it to us, or we just gon' take it. Chez nous la suite te rend fêlé. À chercher la gagne on y trouve que des crânes fêlés, fêlés. Celui qui veut va se faire mêler. De rigueur sont les gants, les cagoules alors mêlés, mêlés. Chez nous la suite te rend fêlé. À chercher la gagne on y trouve que des crânes fêlés, fêlés. Celui qui veut va se faire mêler. De rigueur sont les gants, les cagoules alors mêlés, mêlés. DRY, Noriega, YTB, 9-4, figure smell that, NYC.